L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. À l'apostrophe, l'émission, eh bien, aujourd'hui, nous vous proposons notre deuxième invité, Joël Dragutin, actuel directeur du Théâtre 95, qui va nous dire quelques mots sur la nouvelle saison, courte saison, sous la direction, sous sa propre direction, avec en particulier aussi la création de Chant des Cygnes, version 2017. Je ne sais pas si, d'ailleurs, j'utilise la bonne formulation. Non, c'est le Chant des Cygnes 2. C'est le Chant des Cygnes 2. En même temps, je serais tenté de dire qu'il s'agit d'une recréation et non pas d'une poursuite. C'était ce que je pensais au départ. Au départ, après effectivement cette année électorale qu'on vient de connaître, qui a été très très intense, je me suis dit que avec mon équipe, que ce serait pas mal effectivement de reprendre ce spectacle-là et de le réadapter. Et en fait, confronté à la réalité de ça, je me suis très vite rendu compte que les choses avaient quand même bougé depuis 94. Notamment dans le champ politique, le champ lexical, dans l'univers aussi des partis représentés, par exemple, quand j'ai créé la pièce en 94, les extrêmes, contrairement à ce que disait tout à l'heure Feriel, étaient peu présentes. Donc on était dans un discours social-démocrate, démocrate-social, quoi. Mmh. Et donc c'était une pièce qui était beaucoup plus qui percutait sur la langue de bois, qui tentait d'interroger les langues de bois. Aujourd'hui, effectivement, les choses sont différentes. Et c'est donc une deuxième pièce qui n'a rien à voir, si ce n'est que le thème, avec la première. L'une des colonnes vertébrales du Théâtre 95 pendant toutes ces années qui viennent de s'écouler, c'était ce travail autour des mythologies contemporaines, autour de ou des langues de bois, car on a vu qu'au fil du temps, elles étaient plutôt au pluriel, ces langues, langues de pouvoir également, mais langues reprises par chaque citoyen dans la société française, car vivant ou non sous influence des uns et des autres. Vous poursuivez donc un travail de démystification et de résistance, je vous cite, au service du spectateur citoyen. Alors, les choses ont vraiment tellement été différentes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu de telles fractures? On est passé dans un autre monde, pour reprendre une chanson d'ailleurs qui est rappelée aujourd'hui par les Insus, ex-groupe Téléphone. Non, on n'est pas passé dans un autre monde, mais on est dans le même monde, mais qui s'est un peu radicalisé. On voit par exemple monter effectivement les extrêmes, aussi bien à la droite qu'à l'extrême gauche, ce qui n'existait pas avant. On voit effectivement la présence du marché qui est de plus en plus envahissante. Ce que j'essaie de mettre en scène dans ce spectacle-là, c'est ces rapports entre la démocratie et le marché. Et ce qui apparaît, c'est qu'effectivement, le marché, il est par définition planétaire, il est mondial. Les démocraties sont nationales. Et aujourd'hui, de plus en plus, le marché pénètre ces démocraties, et au point même de les affaiblir considérablement. Le pouvoir politique a perdu considérablement de son pouvoir. Aujourd'hui, déjà avec l'Europe au niveau national, puisque il y a toute un pan de l'économie, un pan de la politique qui est géré maintenant par l'Europe, mais aussi avec le marché qui de plus en plus envahit des secteurs comme l'éducation, la culture, la santé, la police, les affaires étrangères. Donc le marché est totalement envahissant, et donc aujourd'hui on en arrive à proposer, les libéraux ou les capitalistes proposent eux maintenant face à un marché mondial, une démocratie mondiale. Ils disent, ces gens-là, voilà, on vit dans un seul et même pays. Dans le Chant des Cygnes, donc version année 1994-95, c'est ça. Il était question effectivement de la mort programmée d'une langue politique de plus en plus adossée au système médiatico-libéral dominant. Sur le sujet, ça n'a pas profondément changé, ça s'est accéléré. Ça s'est accentué, oui. Ça s'est considérablement accentué, puisque dans la pièce, vous verrez, il y a une journaliste faussement impertinente, il y a une présentatrice, il y a un expert, il y a un dispositif politique qui prend en compte les trois discours un peu dominants, c'est-à-dire le néolibéralisme macronien, une gauche radicale qu'on pourrait... Qui touche aussi bien le discours de Mélenchon que de Hamon, et puis un discours nationaliste et entre guillemets patriote. Donc voilà. Ça, c'est pour, on va dire, l'univers ou le contexte politique qui a profondément changé. Mais ce qui a changé profondément dans la société, c'est les outils de communication. On en est à l'heure des réseaux sociaux. En 1995, tout ça, ça n'existait pas vraiment. Ça n'existait pas. Enfin, commencer un petit peu. Mais là, c'est dominant. Et ce qui apparaît très très concrètement, c'est que le citoyen, lui, n'est plus de moins en en moins dupe de ça. Donc paradoxalement, il y a une espèce d'explosion comme ça de la communication, et on finit par dire qu'on communique, mais en même temps, le citoyen est moins dupe. Donc c'est ça qui a un peu bougé, c'est pour ça que j'ai réécrit la pièce, c'est que, en fait, la réception en fait, de cette langue-là est plus la même, quoi. Donc on voit apparaître, effectivement, cette espèce de nouvelle langue, mais qui était déjà existante à cette époque-là, mais qui est une langue à la fois, comment dire, qui est à la fois pertinente, mais qui s'inscrit dans une globalité, dans un système qui, lui, ne l'est plus. Donc, en fait, le marché dit globalement, quoi, laisse aux politiques le soin de jouer, en fait, de donner cette illusion démocratique, mais eux continuent d'avancer, quoi. C'est pas une manière de faire du théâtre documentaire, ni sociologique, c'est... Sociologique, oui, il y a une dimension sociologique, il y a une dimension linguistique aussi, puisque j'interroge beaucoup le langage, sur l'état de la parole politique aujourd'hui. Mais non, c'est du théâtre. Le théâtre, il est né avec la démocratie, c'est un art éminemment politique, le théâtre. Il est né il y a 2500 ans déjà, et donc en fait, je pense que c'est tout à fait la place, du théâtre, d'interroger ces langues-là. Antoine Vitesse, avant de mourir, disait... S'il y a une chose que devrait faire le théâtre avant tout, c'est déjà d'interroger les langues de bois. Mmh. Parce que c'est des langues qui cachent la réalité. Quoi. Une démocratie, ce que vous décrivez, un peu en fin de cycle. Oui. Oui, il y a des gens qui pensent qu'effectivement ce type de démocratie est en train d'être agonisante au profit effectivement d'un marché omnipotent, omniprésent, qui propose lui-même, je veux dire, le fait pour être encadré d'une démocratie mondiale, un seul gouvernement, quoi. Le spectacle, vous parlez pour le Chant des Cygnes 2, donc je corrige évidemment, une scénographie qui devrait s'inspirer à la fois d'une esthétique télévisuelle néo-kitsch, de l'événementiel, de la pub, ouais. Omniprésente dans notre société. C'est un petit peu dépassé parce que ça, c'était quelque chose que j'ai écrit il y a... Et de la communication numérique dont on vient de parler, ouais, également. Non, c'est un petit peu dépassé. Ça, c'est ce que j'ai écrit il y a 6-8 mois. Alors? Et donc, non, en fait, on va revenir à des choses beaucoup plus classiques, quelque part. C'est une agora, voilà, qui est très belle. C'est vraiment un très beau décor de Clémence Beza. Et donc, ça représente, en fait, une agora. Donc, on revient à quelque chose d'un peu classique. C'est presque un décor de tragédie. Donc, qui représente... ce décor représente lui-même un forum de démocratie, quoi. Donc en fait, il y a une espèce d'effet de miroir entre la salle et la scène. Sur scène, combien d'acteurs, d'actrices ? 8 acteurs, 8 acteurs et actrices. Donc 3 politiques, une journaliste, une animatrice, un expert et un stagiaire qui va conclure le spectacle. C'est-à-dire, c'est la parole donnée à quelqu'un de très jeune et qui va expliquer, lui, qu'il ne veut plus de ce monde-là, mais qu'il en veut un autre parce qu'il n'arrive pas finalement à retrouver son identité, sa sensibilité, ses aspirations dans ce contexte-là. Feriel Bakoury, à l'écoute de cet échange avec Joël Ragutin, on parlait tout à l'heure à la fois d'art et d'humanité, l'un des axes forts de votre projet, on est un peu dans cela, non ? C'est avec cette, ouais, pièce de Joël, ouais, Ragutin. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand on parlait d'humanité, oui, on est au cœur en tout cas des préoccupations du monde d'aujourd'hui. La question de la langue de bois... Grand sujet. Non. On va aborder plein de thèmes. Il y a la pollution. Ouais, il y a effectivement, par exemple, il y a un grand débat sur le tourisme procréatif, où on voit effectivement que le capital rentre à l'intérieur du corps de l'humain, du trafic d'organes, etc. On va aborder tous ces sujets. Exactement. En tout cas, dans humanité, dans l'art et humanité, je dis pas simplement que le théâtre est l'écho du monde. Je dis qu'il est en prise avec le monde, en prise, et que la culture a une prise sur le monde. Donc c'est bien l'idée développée aussi par Joël. Un peu d'espoir quand même dans ce spectacle, ah oui, Joël, dans Dragutin. C'était conclu. Parce que vous parlez de la fin du monde presque. Non, je parle pas de la fin du monde. Je parle du déclin d'une démocratie parlementaire. Ah. Voilà, pour peut-être dire qu'un autre monde est possible, oui. Et notamment c'est la parole de ce jeune. Alors, c'est la parole de ce jeune qui a 20 ans et qui, lui, justement, n'est pas dans ce registre lexical-là. Il va être dans un tout autre registre. J'ai choisi volontairement quelqu'un qui a 20 ans. Pour pouvoir dire voilà ce à quoi il aspire, ce qu'il veut, le rapport qu'il veut avoir à la nature, au temps, à l'espace, qui n'est pas le même, quoi, et qui a pas envie effectivement de rentrer dans cette planification là, quoi. Est-ce que les derniers événements politiques qui se sont développés ces derniers mois en France ont eu une incidence, une influence sur votre pièce? Car vous entendez tous les jours, comme nous, on parle d'un ancien monde qui aurait fait la place à un nouveau monde déjà. Non, oui, on en parle, mais on en parle justement comme on parle des langues de bois. Donc, le spectacle. Et tous les politiques ont toujours dit à toutes les époques qu'ils allaient effectivement inventer un nouveau monde. Le spectacle est à découvrir, donc le chant des signes 2, du mercredi 15 novembre au samedi 25 novembre prochain, en soirée à 20h30, le dimanche à 16h, avec un jour de relâche, comme au théâtre, le lundi 20 novembre prochain. Ça se déroulera au Théâtre 95, à Cergy, allée du théâtre, juste à proximité de la préfecture du Val-d'Oise. Une ouverture de saison, courte saison, donc il va falloir être court et compris dans la présentation rapide des spectacles à voir, avec parmi, d'abord, vous avez une soirée d'ouverture qui est proche dans le temps, ça se déroulera vous me rappelez la date ? 29 septembre. 29 septembre, je l'ai répété. Répétition publique et qui sera suivie, disons, un petit rappel, parce qu'on a déjà fait des présentations de saison l'été dernier. Des principaux spectacles de la petite saison du Théâtre 95, et puis on aura la parole à Feriel qui présentera les grands axes de sa saison à elle au niveau de l'apostrophe, et puis après janvier, ça sera une saison unique et commune. Voilà tout ce que l'on peut dire. Juste aussi 2-3 mots sur l'Avare qui va très vite venir dans votre programmation au Théâtre 95, oui. Avec un metteur en scène que vous avez déjà accueilli, que vous connaissez bien. Oui, c'est un compagnonnage avec Mario Gonzalez, qui est professeur au conservatoire du masque. C'est sans doute le meilleur ou le plus grand spécialiste du masque en France aujourd'hui, et qui a fait on a accueilli à plusieurs reprises, notamment avec différentes pièces de Molière, Le Misanthrope, avec Monsieur de Pourceaugnac, avec Tartuffe, et là on l'accueille avec L'Avare, qui est une pièce qu'on n'a jamais programmée, ça c'est curieusement, qui est une pièce monumentale, qui pose des tas de questions, et qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus philosophique qu'il n'y paraît, quoi. La comédie en prose la plus jouée de Molière, et donc là sous la forme du théâtre masqué. Tout à fait, avec Christophe Patti et Mario Gonzalez, qui font un excellent travail. C'est toujours un très beau spectacle visuel, et les masques finalement confortent et accentuent finalement le caractéristique des personnages, et c'est pas une caricature, c'est au contraire, je pense que ça approfondit finalement l'identité du personnage. Du 3 au 8 octobre au Théâtre 95 à Cergy, L'Avare donc de Molière, sur une mise en scène de Mario Gonzalez, comme on en a parlé. J'ai oublié de signaler que pour le chant des signes, il y a la participation artistique du Jeune Théâtre National. Quelques mots à leur propos. Le Jeune Théâtre National, c'est effectivement des élèves du Conservatoire National et du Théâtre National de Strasbourg. C'est une façon qui permet finalement à de jeunes comédiens qui viennent d'être formés d'avoir un peu le pied à l'étrier. Et donc on collabore avec eux depuis longtemps. Il y a effectivement deux comédiens qui sont issus du JTN.